50. One day I'ma have to get in my car and go. You know I take the 110 until the 105. Get off on Crenshaw, tell my homies look alive. Cause it's hard to survive when you're living in the concrete jungles. And these girls keep passing me by. She looks fly, she looks fly. Make me say my, my, my. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl with a gun, I would call her. I wish I had a rabbit in a hat with a bat. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl with a gun. I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat. Je me retire sur la pointe des pieds pour laisser venir quelqu'un d'un peu moins discret. C'est Benjamin Maréchal qui arrive pour le 8-9. Excellente journée. Merci et bravo à tous les athlètes et médaillés du Team Belgium. Vous nous avez fait rêver sur la 2, Vivacité et RTB Fovio. Le 8-9 démarre maintenant avec Benjamin Maréchal. Jour 2 de la nouvelle saison du 8-9. Jour 2 sans nouvelles de Jérôme de Warzé, mais avec Christophe Grandjean qui a donc été nommé à l'humour. C'est vous qui ferez le calcul. C'est bien cette nouvelle saison finalement. Il fait plus calme. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais. Oui, c'est bien mieux. Donc répartition des rôles. Sarah va faire le journal. Sarah de Padua. Bien sûr. J'en suis certain. Et on n'a pas de nouvelles de Jérôme. Pas de nouvelles de Jérôme. On verra tout à l'heure au moment du cactus, mais là à ce stade. Il n'est pas là. Alors, on fait des économies. Julie Compagnon, trop cher, remplacée par Bruno Timmer. Oui, parce que Julie Compagnon en congé. Mais oui, mais alors, laissez pousser un peu vos cheveux, soyez. Oui, et je vais devoir chanter. Vous allez devoir chanter. C'est vous qui étiez dans la comédie musicale, Oops. Oui, Oops. Oui, absolument. Voilà. Vous pouvez me refaire un petit book, je me remets le, sur le mon âme, le diable et mon frigo. Eh ben, tu vois. Voilà, on s'y tromperait. Eh ben alors, vivement le journal de Sarah dans une seconde. Babona, votre arme contre les insectes. Ah, et voilà Catherine Delia, sacrée Catherine, va. Ah oui, tant qu'on y est, hein, pour vous parler d'un petit cactus dans notre météo aujourd'hui. Petit cactus, mais ça c'est simplement pour l'anecdote, car cactus dit désert dit temps ensoleillé et chaud. On aura un temps chaud et ensoleillé ces prochains jours. Petite bouffée de chaleur, littéralement, sur la Belgique. Ciel bleu, beaucoup de soleil pour aujourd'hui, 24 à 29 degrés, 27 à 32 pour demain, et ça devrait culminer encore un petit peu plus haut jeudi. Vendredi et samedi, on garde encore de la chaleur avec quelques nuages, et puis possible dégradation à partir de dimanche. Il est 8h et à la une de l'actualité ce matin, les bébés qui consomment trop de médicaments. Et en particulier des antibiotiques. Un nourrisson sur deux ingurgite 3 boîtes d'antibiotiques par an, alors que ce n'est pas toujours nécessaire. Un antibiotique pour des infections virales, ça n'aide pas. Donc les antibiotiques doivent être exclusivement utilisés dans le cadre des infections bactériennes. Nathalie Servet nous explique dans quelques instants les dangers de la surconsommation de médicaments. Des étudiants du supérieur, déjà dans les auditoires en cette fin de vacances, ils participent à des cours préparatoires avant d'entrer en première année. Bientôt la récolte des pommes et des poires, une nouvelle fois dans un contexte d'embargo de la Russie. Nous nous rendrons chez un producteur pour voir comment il envisage cette situation difficile. Un an depuis l'installation des tentes de réfugiés dans le parc Maximilien à Bruxelles, que sont devenus les candidats à l'asile après la disparition de ce camp? Aline Wavreille nous répondra. Le retour ce soir de la délégation olympique belge. À quoi peuvent servir les médailles décrochées par nos athlètes? Du prestige, mais parfois un manque de reconnaissance en Belgique, nous dira l'ancienne judoka Marie-Isabelle Lomba. Et puis de nombreux hommages après la mort de Toots Thielemans. Les célèbres musiques de l'homme à l'harmonica ont été diffusées hier soir sur la Grand Place de Bruxelles. Et nos bébés qui ingurgitent donc trop de médicaments. C'est la conclusion d'une étude des mutualités libres. L'organisme a passé en revue des milliers de prescriptions médicales et les chiffres sont interpellants. Nathalie Servet, un bébé sur deux prend au moins un antibiotique dans l'année. Oui, et il en consomme en moyenne 3 boîtes par an. L'antibiotique le plus prescrit est l'amoxicilline. Il est conseillé dans les infections bactériennes pulmonaires ou de type nez-gorge-oreille. Mais il est souvent utilisé pour soigner des rhumes, des pharyngites ou encore des bronchites, ce qui n'est pas nécessaire. C'est même dommageable à long terme, comme le rappelle le docteur Anne Keupens des Mutualités Libres. On sait que la surconsommation des antibiotiques favorise le développement des germes résistants. Donc, au moment qu'on aura effectivement besoin de ces antibiotiques pour des maladies bien spécifiques, à ce moment-là, donc, ils ne vont plus aider parce que les germes sont résistants et donc l'antibiotique ne peut plus agir. Alors, trop d'antibiotiques, cela peut aussi entraîner chez l'enfant des maladies chroniques comme l'obésité ou l'asthme. Et parmi les autres médicaments trop consommés par les bébés, Nathalie, il y a les bronchodilatateurs. Oui, ce sont les aérosols. Chaque année, 4 bébés sur 10 reçoivent un tel traitement censé soigner l'asthme, mais souvent utilisé pour des affections respiratoires plus banales, comme certaines bronchiolites. Selon Anne Kuppens, les médecins prescrivent parfois ce traitement pour rassurer les parents. La bronchiolite, ça peut faire peur aux parents au moment où son enfant est presque en détresse respiratoire. Mais à nouveau, si c'est une bronchiolite aiguë, souvent c'est bénigne et ça nécessite généralement rien de plus que, par exemple, soigner son nez. Donc les aérosols ne sont pas toujours nécessaires. Et cette surconsommation de médicaments chez les enfants inquiète les mutualités libres qui plaident pour de nouvelles campagnes d'information auprès des médecins mais aussi des parents. Une étude des mutualités libres détaillée ce matin dans le journal Le Soir. Christophe, il y a des étudiants qui sont déjà au travail en cette fin de vacances. Bah oui, il y a les malheureux hein, d'abord qui passent les deuxièmes sessions pour le moment et puis ceux qui vont entrer en première année dans l'enseignement supérieur et qui participent à des cours préparatoires. Des courageux qui s'enferment pendant 8 heures par jour alors que le soleil brille à l'extérieur. C'est le cas de Cécile qui sort d'Oreto. Elle explique pourquoi elle a décidé de suivre ses cours préparatoires. Pour moi, c'était d'une part pour me déstresser, parce que je suis aussi quelqu'un de très stressé, on a l'air d'être la majorité ici, et aussi pour voir, pouvoir adapter mon mode de fonctionnement, mon mode de travail. Je voulais pouvoir voir comment organiser mes cours, j'étais très incertaine par rapport à la prise de notes, ça me faisait un petit peu peur, et puis bon, j'ai eu très très belles vacances, donc ça ne me dérange pas. En plus, c'est 2 semaines où j'apprends à connaître des gens qui vont devenir mes amis, donc c'est pas si désagréable que ça, c'est un très beau campus. Je suis aussi la petite intello de la classe et pour moi c'est juste un plaisir d'apprendre. Donc moi j'aime être dans une classe et apprendre des choses. Cécile, profil première de classe assumée, rencontrée par Simon Gérard. Le fils de l'imam de Dizon a été placé en IPPJ, un institut fermé de protection de la jeunesse, pour une durée de 3 mois. Le jeune homme est inquiété pour avoir proféré des menaces envers les chrétiens dans une vidéo tournée dans les rues de Verviers. L'adolescent de 17 ans prétend qu'il ne s'en prenait pas aux chrétiens, mais au régime du président Bachar al-Assad. Des mots à consonance très proche en arabe, explique-t-il. Quant au père, l'imam de Dizon, il fait toujours l'objet d'une procédure d'expulsion de la Belgique, mais comme il a fait appel, cette procédure est suspendue. On en sait un peu plus sur la femme qui a agressé 3 personnes au couteau hier à Uccle dans le quartier de la Bascule. Il s'agit d'une ressortissante philippine de 52 ans qui souffrirait de problèmes psychologiques. Elle n'a pas encore pu être entendue. Elle est toujours hospitalisée après avoir été blessée par les tirs de la police. Les 3 victimes ont aussi été emmenées à l'hôpital. Elles ne sont que légèrement blessées. Bientôt la récolte des pommes et des poires qui approche et cette année encore, les producteurs belges vont souffrir de l'embargo de la Russie. Un embargo que Moscou a décidé il y a 2 ans en représailles aux sanctions européennes, des sanctions après l'annexion de la Crimée par la Russie. Depuis ces sanctions, la Russie refuse d'importer les produits alimentaires européens et parmi ceux-ci, les pommes et les poires de Belgique. Baptiste Tupin s'est rendu très tôt ce matin chez un producteur de fruits à Rozoux, en province de Liège, pour voir comment il gère cette situation compliquée. Le soleil se lève entre les poiriers. Aux arbres, les poires conférences sont presque mûres. Dans ce verger, on se prépare à la récolte. Autrefois, ces poires prenaient en grande partie le chemin de la Russie. C'était avant l'embargo qui a fait chuter les prix. Jules-André Goffin est producteur de fruits. Ça a signifié, comme vous le dites, directement une baisse de prix fort importante. Et grosso modo, les estimations sont que sur ces 2 dernières années, les prix ont diminué de grosso modo 25%. 25%, ça représente grosso modo 15 cents du kilo, ce qui pour nous représente évidemment des sommes très importantes. Pour s'en sortir, cette exploitation a depuis longtemps misé sur la diversification de ses cultures. Voilà, il y a la diversification. Il y a aussi le fait cette année-ci, c'est que la production européenne de poire ne va pas être trop importante, donc on peut déjà espérer que le prix soit un peu meilleur. Et alors, dans notre cas, nous nous sommes diversifiés en produisant de l'asperge, de la cerise, et donc ça nous permet d'un peu mieux résister à la crise actuelle. Certains producteurs espèrent aussi trouver des marchés alternatifs, un autre gros client pour remplacer la Russie. Au total, la perte pour les producteurs de fruits belges s'élève à près de 200 millions d'euros sur les deux dernières années. Un reportage chez un fruiticulteur de Rozoux en province de Liège, réalisé par Baptiste Tupin et Ariane Dufresne. Un an tout juste depuis l'arrivée des réfugiés dans le parc Maximilien à Bruxelles. Vous vous souvenez, un camp de fortune composé de tentes avait été installé là-bas près de la gare du Nord. Il est aujourd'hui démantelé. 5 à 10 000 demandeurs d'asile y sont passés. Un an plus tard, que sont-ils devenus? Difficile de répondre précisément. Le camp était informel, sans chiffres ni statistiques. Pour les Syriens, la grande majorité ont obtenu le statut de réfugiés et reconstruisent pas à pas une nouvelle vie. Pour les autres, les Irakiens et les Afghans, les choses sont plus compliquées. Aline Wavreille est allée revoir ces réfugiés et ceux qui les ont aidés. Saïd, c'est un jeune Afghan à la carrure d'athlète. Après un passage au parc Maximilien, il est arrivé au Petit Château, un centre d'accueil pour demandeurs d'asile à Bruxelles. Depuis, son quotidien, c'est attendre des nouvelles de sa procédure d'asile. Nous les Afghans, quand on se réveille, on va à la réception et on surveille si on a reçu quelque chose de la poste, s'il y a quelque chose de nouveau pour nous. La difficulté d'attente après un an. Élodie Francard est l'ancienne porte-parole de la plateforme citoyenne. Oui, c'est l'état de fragilité psychologique. C'est-à-dire que ils se font un réseau ici, ils se font des amis et en même temps ils n'ont rien à faire, ils n'ont pas le droit de travailler. Donc il y a des problèmes d'alcool, parfois de drogue un peu, etc. Parce que certains tiennent le discours que ça les aide à oublier ou de passer le temps, en fait, à force de n'avoir rien à faire. Et c'est vraiment une situation d'angoisse, d'avoir un refus. Qu'est-ce qu'ils font s'ils ont un refus? Ceux-là, ceux qui ont été déboutés de la procédure d'asile, pour la plupart, se sont volatilisés dans la nature, sont devenus des illégaux. Un mini-sommet européen hier soir pour gérer l'après-Brexit. Un sommet à trois entre l'Allemande Angela Merkel, le Français François Hollande et l'Italien Matteo Renzi. Objectif, montrer que l'Europe survivra au départ annoncé du Royaume-Uni. Une rencontre à trois qui s'est terminée par des prises de parole sur un porte-avions au large de Naples en Italie. Valérie Dupont nous les résume. Beaucoup pensaient que le Brexit avait signé la fin de l'Europe, mais ce n'est pas le cas. C'est avec ces mots très optimistes que Matteo Renzi s'est adressé en premier aux 150 journalistes réunis sur le pont du porte-avions Garibaldi. Le président du Conseil des ministres italien avait invité Angela Merkel et François Hollande à venir préparer le sommet de Bratislava. Car avec la sortie de la Grande-Bretagne, l'Italie entend surtout confirmer sa place de troisième puissance européenne et rappeler qu'avec la France et l'Allemagne, ce sont maintenant les pays fondateurs de l'Europe qui doivent mener le jeu pour relancer cette vieille dame essoufflée. L'Europe doit être un cadre de protection. Pour qu'il y ait de la sécurité, il faut qu'il y ait des frontières qui puissent être gardées. Éviter la fragmentation, la division de l'Europe, insiste aussi François Hollande, car les trois leaders veulent désormais rassurer sur l'unité de l'Europe face aux nombreux défis qui l'attendent. La sécurité et la lutte contre le terrorisme, certes, mais aussi la croissance économique et le futur de la jeunesse européenne. Dans les discussions pour le sommet de Bratislava, nous voulons insérer une réforme du programme Erasmus, a déclaré Angela Merkel, qui a également insisté pour que le sommet européen aborde la question de l'intégration des migrants, un thème sur lequel l'Europe est encore loin d'être unie. Valérie Dupont, notre correspondante en Italie. Il est 8h11, c'est le 8-9 Sport avec le retour au pays de nos athlètes olympiques. L'atterrissage prévu à 19h25 ce soir, mais rien ne sert de se rendre sur le tarmac de Zaventem, Manuel Jousse. Non, pour des questions de sécurité, les athlètes quitteront l'aéroport par une sortie interdite au public après avoir été accueillis par leurs proches et par les responsables du COIB, le Comité Olympique et Interfédéral Belge. Une cérémonie de mise à l'honneur sera organisée ultérieurement pour le hockey. Les athlètes, eux, seront invités au prochain Mémorial Van Damme. Les médailles, et après, que rapportent ces médailles une fois la carrière terminée? Certains athlètes déplorent un manque de soutien, Manu. Oui, c'est le cas de Marisabelle Lomba, la judokate médaillée de bronze à Atlanta en 1996. Pour elle, au-delà de la vitrine médiatique qu'offre une médaille olympique, l'accompagnement des sportifs en fin de carrière ne suffit pas. À refaire, je ne sais pas si je referai encore ce boulot-là, parce que tu as une médaille olympique pour la vie, c'est super, mais je trouve que ce n'est pas assez... il n'y a pas assez de reconnaissance en Belgique. Donc que je sois médaillée ou pas, ça n'a rien changé. Et moi, mon grand regret, c'est que j'ai fait des études après mes humanités. Donc j'ai hésité très longtemps avec un régendat en éducation physique ou une licence. Donc voilà, j'ai fait un régendat. Je n'ai pas fait de licence et je regrette un peu parce que voilà, maintenant, pour le même boulot, tu gagnes moins ta vie. L'année que je n'ai pas faite en licence et la médaille olympique me rapporte rien à côté, quoi. Moi, personnellement, si j'étais ministre des Sports ou quoi, j'essaierais que les gens qui sont médaillés olympiques ou qui ont fait une excellente carrière sportive, qu'ils puissent être reconnus aussi avec l'expérience qu'ils ont eue. Interview signée Arnaud Montero. En football, le début ce soir d'une nouvelle campagne, d'une nouvelle semaine européenne avec les matchs retour des barrages de Ligue des Champions. 5 équipes vont se qualifier pour la phase des poules. À épingler l'affiche entre l'AS Rome de Radian Engolan et Porto, la nouvelle équipe de Laurent Depoitre. À l'aller, le score était de 1 partout. Et puis Christophe, les funérailles de toute style Mance qui auront lieu samedi à la Hulpe. C'est dans cette commune du Brabant Wallon que vivait toute style Mance. La messe aura lieu à 11h en l'église Saint-Nicolas. Un écran géant sera installé à l'extérieur pour permettre au plus grand nombre de rendre hommage à cette légende du jazz qui nous a quittés à l'âge de 94 ans. Des hommages qui se succèdent depuis hier, comme sur la Grand Place de Bruxelles hier soir, où des membres de la famille et des admirateurs de toute style Mance se sont rassemblés pour écouter ses musiques les plus célèbre. Miguel Allo a rencontré plusieurs participants. Ils expliquent pourquoi ils tenaient à être présents. Je suis bruxelloise et je crois que tous les bruxellois sont fort touchés. Et puis voilà, en plus, beaucoup d'amateurs de jazz, je crois, dans l'Assemblée. Et ce n'est que normal de rendre hommage à un personnage comme ça qui est une icône de Bruxelles et que je crois beaucoup de bruxellois adorent. C'était quelqu'un d'important pour vous? C'était quelqu'un que vous écoutiez? Non, mais plutôt comme étant belge, oui, je trouve ça important d'être ici. Ouais. Ça a toujours été un grand homme, toute simplicité, discret, humble, avec une formidable manière de faire la musique qui nous touche. Et voilà, c'est un grand monsieur, un echte guette de Bruxelles. Et voilà, et je tiens juste à lui rendre hommage aujourd'hui, sans plus. Et la RTBF modifie ses programmes après la disparition de Toots Thielemans. Ce soir est spécial, ce soir sur la 3 à partir de 21h05. Et qu'il avait rencontré en vrai autour de la table. Je me souviens l'avoir croisé une fois dans un couloir. Il était charismatique, Sarah. Il devait être impressionnant. Non, j'ai pas eu cette chance. Ouais, j'aurais bien aimé le voir devant moi jouer vraiment l'harmonica. Christophe, vous l'avez croisé? Mais je pense que j'ai interviewé une fois, mais je me souviens plus exactement du contexte. Non, mais j'étais en train de réfléchir hier. Je me dis, je l'ai rencontré une fois, mais je sais plus où. Vous confondez avec Frédéric François. C'est cette confusion. Hein. Vous l'avez rencontré, Bruno? Croisé une fois dans un couloir, mais rencontré vraiment interviewé. Non, jamais. Il vous a parlé? Non, je pense pas. Il vous a frôlé? Peut-être frôlé, avec son harmonica. C'est déjà pas mal. Vous avez rencontré Annie Cordy? Oui, ça plusieurs fois. Ouais, ouais, aussi. Ouais. Ouais, Sarah? Oui, je l'ai croisé déjà. Ok, ouais. Ok, moi aussi. 8h15, voici un nouveau 8-9. Je paie moins cher, tu paies moins cher, il paie moins cher. À la rentrée, les bonnes affaires se conjuguent chez Cora. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Voici le point sur vos conditions de circulation. On fait un petit topo avec vous, Benoît Ferrière, depuis la police de Liège. Eh bien, elles sont comme le temps, relativement dégagées. Il n'y a pas grand-chose à signaler. 10 petites minutes allez, de retenue à 8h15 sur l'axe E40 ex-Bruxelles. Pour ceux qui passent là tous les jours, c'est franchement pas grand-chose. Et pour le reste, eh bien, au centre-ville, bien sûr, il y a de l'activité, hein, rassurez-vous. Mais rien qui empêche, en tout cas, une circulation totalement fluide. Si on dézoome un petit peu, ça bouchonne également de façon fort relative sur le 42 entre Malmedy et Baptiste au niveau du chantier de Sarlespa. 5 minutes de plus sur votre temps de parcours. Et puis cet accident en direction de Bruxelles, toujours d'actualité, c'est sur le 40, donc au niveau de Berthem. 2 bancs de circulation sont neutralisés et il y a des fils qui seront à constater donc en direction de Bruxelles. Bonne route et on se retrouve tout à l'heure après le journal de 8h30. Un problème sur la route? Prévenez le 04 344 76 44. C'est la rentrée sportive à Mediacité. Tu as entre 4 et 11 ans? Alors, participe aux initiations sportives proposées par l'Académie Provinciale des Sports. Ce samedi 27 août, à Mediacité Liège. Avec la présence des joueurs de Liège Basket et la collaboration du service des sports de la province de Liège. Toutes les infos sur mediacité.be. À Spa, le Pouhon Pierre-le-Grand accueille 2 expositions exceptionnelles. Johan Miro, 140 œuvres, l'une des 4 plus grandes collections permanentes au monde. Et 50 œuvres du célèbre Andy Warhol. 2 artistes prestigieux, 2 expositions incontournables. À voir absolument. Renseignements, spatourisme.be.

parce qu'il ne s'est rien passé depuis 2 mois et je suis impatient que les Jeux Olympiques commencent, par exemple. Ah ben vous ne serez pas déçus, on vous a réservé des trucs. Donc demain, on a intérêt à se voir bronzer autour de la table. Et ça démarre à quelle heure, Bruno, le 8-9, qu'on pour lui rappeler ? À 7h58. Voilà. Et à 7h05. Oui, donc le 8-9 est déjà une fausse information. Hein. Oui, en soi. Non, c'est pour être sûr que vous soyez là à 8h. Ouais, mais en soi, c'est un mensonge depuis le début, parce que ça démarre à 7h58 depuis le début. Bon, Jérôme, on est rassuré. On déchire l'affiche Wanted que nous avions composée hier. Oui, on sera... Ouais, on sera content de vous revoir demain, alors sans blague. Il n'a pas de gage. Ah oui, attendez, c'est une erreur quand même. La retenue sur salaire, je vous laisse. Non. Jérôme, bougez pas. Sarah vous impose le gage. Sarah. En bénévolat jusqu'en décembre, j'ai envie de dire. Ah non, ça y va. Toujours faire pencher mon argent à un moment. Enfin. Bénévolat jusqu'en décembre, il va démissionner. Ça, c'est on va le perdre. On va le perdre. Mais la réputation, mais arrêtez avec ça, enfin. Allez faire vos lessives de t-shirts et de caleçons. C'est toujours comme ça après les vacances. Et à demain, mais merci beaucoup. Je compte sur vous pour le repassage. À demain. Ça va sans dire. Titre service. Allez, hop, on raccroche. Tout va bien, alors. Ah, je te jure. Et hier, tu crois qu'il aurait dit en cours de journée, je suis en vacances. Je vais bien et tout, non, rien. Ouais. Tu crois qu'il aurait appelé hier soir? Non. Non, mais c'est parce qu'il reconnaissait votre numéro, donc c'est pour ça. Ben oui, parce que il s'enfuyait. Il me raccrochait. Au... Et quoi, problème de planning alors? Eh ben, il a bugué. Oui, on le. Maintenant qu'il a raccroché, on peut le dire. Donc il a bugué. Voilà. Il a bugué. Pas bien. Dans ses réservations de vacances. Bon, maintenant que les comptes sont réglés, que le linge sale est lavé en famille, nous pouvons continuer le programme. Le Zap Télé, Sarah, il est 8h24, le Zap Télé avec télépro.be. Et vous nous donnez ce matin des nouvelles des Belges qui étaient dans Secret Story avant le début de la nouvelle saison. Lancement ce vendredi en deuxième partie de soirée sur TF1 de la 10e saison déjà de Secret Story. Du coup, le groupe Sud Presse s'est posé la question, tiens, que sont devenus les petits Belges qui ont participé à l'émission? Une quinzaine quand même, ah oui, pas quand mal, même, ouais. Surtout en saison 2, saison 4, il y en a eu un petit peu dans toutes les saisons, mais saison 2, saison 4, alors je ne peux pas vous parler des 15, j'en ai pointé 3, je me souviens plus de tout le monde, hein, ouais. Le gagnant belge, le premier gagnant, un des premiers belges qui a participé, c'était à la saison 2, et qui a gagné l'aventure, Mathias ah, Paul, oui, son visage vous dit certainement, il ressemblait à Jean-Claude Van Damme. Ah, David Hasselhoff, Jean-Claude Van Damme. Un peu plus jeune. Ouais. Un peu plus jeune. Il était déjà mannequin à l'époque. C'est vrai qu'il a les yeux de David Hasselhoff. Hein. Ouais. Il a 35 ans aujourd'hui, donc il avait 25 ans. Il avait empoché à l'époque un peu plus de 180 000 euros, ce qui n'est pas rien. Ouais, du coup, direction les States. Il a placé son argent dans des biens immobiliers. Et puis, il est devenu champion de poker. Ah, génial. Ah, il connaît Patrick Bruel, alors. Ouais. Peut-être qu'il le croise. Effectivement, il est toujours mannequin aussi, Mathias. Voilà pour le gagnant belge, le seul gagnant belge jusqu'à présent. Je ne me souvenais pas qu'il avait gagné. Vous en souvenez, Christophe? Non, moi, j'ai jamais regardé cette émission, je suis désolé. Arrêtez. Non, c'est secret. 10e saison, il est jamais trop tard. Ah bah voilà, il n'est pas trop tard. Ah bah alors arrêtez. Bon. Saison qui va passer sur NT1. Donc comme quoi, est-ce que ça fait encore recette? On se pose la question. Non, et surtout en deuxième partie de soirée, ça veut dire que niveau audience, c'est plus top. Hein. Oui, enfin, on sera quand même tous là à regarder, mais on est d'accord que ça ne marche plus. Il y a Nicolas Gigliotti. Ouh là là. Ah oui. Saison 3 et sa tête vous dit maintenant quelque chose. Qui fait la voyance. Voilà, saison 3 et en fait son secret à l'époque, parce que l'idée c'est de cacher les secrets parfois qui sont vraiment un peu compliqués. Ouais. Je suis en communication avec Dalida. C'était le secret à l'époque. Et du coup, il est devenu animateur d'un programme d'astrovoyance. C'était pas belle la vie? C'est le mec qui est sur Club RTL ou Plug RTL, il y a de la voyance. Ou AB3 ou un truc comme ça. Oui. Bah, un des voyants, donc c'était ce gars-là. Ouais. Et une autre petite belge, c'est Amélie Netten. On en a beaucoup parlé lors de la saison 4. Celle-là est plus connue, c'est la blonde. Elle a fort marqué la saison 4. La liégeoise qui a eu un bébé. Bien pulpeuse. Elle est mariée à un footballeur qui s'appelle Philippe Léonard. Et elle va présenter la saison prochaine, donc là, bientôt, dans quelques jours, La Revanche des ex. Sur Énergie 12. Ah, il n'est pas beau le niveau. Ah, on elle n'est pas belle la télé d'aujourd'hui. Et la Amélie, elle a fait beaucoup les anges de la télé-réalité, aussi. Le truc d'après. Ouais. C'est devenu une véritable vedette. Elle n'est jamais venue dans le 8-9. Eh ben non. On ne comprend pas pourquoi. Là-dessus. Le niveau est trop haut. Le rappel de l'actu dans une seconde. Merci et bravo à tous les athlètes et médaillés du Team Belgium. Vous nous avez fait rêver sur la 2, Vivacité et RTB Fovio. Delta Construction, spécialisée dans la réalisation de maisons unifamiliales sur mesure, vous invite à découvrir une maison basse énergie à Villers-le-Bouillet, rue de Beaudonnier, le week-end du 27 au 28 août de 13 à 18h. Plus d'infos, delta-construction.be. Delta Construction, votre maison comme vous l'imaginez. Pour chez moi, j'ai choisi l'énergie 100% verte de Luminus. Vous êtes déjà plus de 500 000 à avoir choisi l'énergie 100% verte de Luminus. Aujourd'hui, investissez avec nous dans notre parc éolien et ensemble faisons progresser les énergies renouvelables. Luminus, ensemble, faisons la différence. Info Infos et conditions sur luminus.be. La rentrée approche et Sud-Presse vous aide à planifier cette nouvelle année. Ce mercredi 24 août, recevez votre calendrier scolaire à l'achat de votre journal. Le jeudi 25 août, des étiquettes pour cahiers. Et le vendredi 26 août, un calendrier des anniversaires. C'est gratuit avec la Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale. Encore une exclusivité. Sud-Presse. Voltaren est un médicament au diclofénac. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en cas d'hypersensibilité aux agents anti-inflammatoires non stéroïdiens ou en cas de grossesse. Lire attentivement la notice. Aujourd'hui, on va travailler les genoux. On met sa casquette, on prend les boules et, pour bien viser, faut s'accroupir et on insiste sur les genoux. Ou bien on pointe ou bien on tire. Allez, on se relève, on va récupérer le cochonnet. Retrouvez le plaisir de bouger grâce à Voltaren et Mulgel Forte contre les inflammations douloureuses de vos articulations. Une seule application toutes les 12 heures. Soulage votre douleur durablement. Feuille morte, tout l'hiver tu es resté, gorgé d'eau sur ce sentier. Et quand le printemps revient, promeneur sur le chemin, feuille morte. Tu te tiens en embuscade pour faire glisser en cascade Jules et son vélocipède. Oh, je crois qu'il a besoin d'aide. Voilà pourquoi les AP Assurance vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurance, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. La région de Bruxelles Capitale, Vivacité et La Une présentent la fête de la BD. Mais oui, fête de la BD. Cette année, le Québec est notre invité d'honneur. Et nous fêterons les 70 ans des éditions du Lombard avec le rallye du journal Tintin, le festival BD, les visites guidées et la grande parade du Balloons Day. Fête de la BD. Parc de Bruxelles du 2 au 4 septembre. Avec la ville de Bruxelles et le soir. Et vous nous rappelez, Christophe, l'actualité de ce mardi. Les bébés consomment trop de médicaments, les antibiotiques en particulier. Un nourrisson sur deux en consomme 3 boîtes par an en moyenne. Une consommation qui n'est pas sans risque, puisque si on consomme trop d'antibiotiques, les bactéries deviennent plus résistantes et les antibiotiques inefficaces. Le fils de l'imam de Dizon a été placé en IPPJ, un institut fermé de protection de la jeunesse, pour une durée de 3 mois. Le jeune homme est inquiété pour avoir proféré des menaces envers les chrétiens dans une vidéo tournée dans les rues de Verviers. Et puis le retour de la délégation olympique belge ce soir, mais inutile de vous rendre à l'aéroport. Les athlètes passeront par une zone interdite au public par mesure de sécurité. Ah, c'est bien pour un mardi estival, chaud, bien ensoleillé. Des températures qui vont atteindre 29 degrés par endroit et frôler les 30. Honnêtement, c'est un mardi de rêve propice à ne pas travailler. Il est 8h30. Dans notre région. Bonjour Marc-Yves de Seym. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. C'est un sérieux revers pour la province de Liège et ses projets de pôle culturel sur le site de l'ancien hôpital de Bavière. Le contrat signé au mois de juin pour les études de stabilité vient en effet d'être suspendu par le Conseil d'État. Le dossier prend donc du retard, Barbara Schall, et le risque de perdre les subsides européens devient très concret. Oui, en cause un contrat d'environ 5 millions d'euros. Il porte sur les études de la stabilité des fondations, des poutres et des colonnes de la bibliothèque. Ce nouveau bâtiment qui, dans 2 ans, devrait remplacer l'actuelle bibliothèque des Chiroux. Pour cette étude, une procédure de mise en concurrence avait été lancée et c'est la société Le Maire qui avait été retenue. Mais, et car il y a un mais, un autre candidat a décidé d'introduire un recours. Eh bien oui, il s'agit du bureau Grèche, candidat évincé, donc un recours jugé recevable et sérieux. Selon le Conseil d'État, la province a manqué à son devoir de minutie. La société Le Maire, la société choisie donc, a en effet proposé un prix anormalement bas pour une partie de la mission d'ingénierie, une somme tout à fait symbolique même. Cette mission concerne les précautions à prendre et les vérifications à faire en cours de chantier en matière de dépollution des sols. Bref, Barbara, la province de Liège aurait dû se pencher un peu plus attentivement sur le dossier du candidat. Oui, et la loi le prévoit. Dans des cas comme celui-ci, c'est-à-dire si le candidat propose un prix très largement inférieur à la moyenne, eh bien il faut procéder à des vérifications, demander des explications, des justifications. Chose qui a été faite, mais de façon trop superficielle pour le Conseil d'État. Et donc, le dossier prend déjà du retard. Et cela pourrait même se transformer en un fâcheux retard. La société Le Maire s'est engagée à maintenir son offre pour Bavière jusqu'à la fin août. Mais au-delà, rien n'est garanti. Il faudra peut-être même repartir à zéro. Et là, le risque de dépasser les délais et de perdre les subsides européens est réel. Un argument qui n'a pas été pris en compte par les magistrats. Barbara Schall avec un dossier préparé par Michel Grétry. Le fils de l'imam de Dizon a été placé en IPPJ, un institut fermé de protection de la jeunesse, et cela pour une durée de 3 mois. La décision a été prise hier soir par un juge de la jeunesse. Ce que la justice reproche en fait à ce jeune homme de 17 ans, c'est d'avoir proféré des menaces envers les chrétiens dans une vidéo tournée dans les rues de Verviers. Vous avez peut-être perdu vos clés de voiture, votre sac ou tout autre type d'objet. Alors avec un peu de chance, il se trouve au service des objets trouvés du centre-ville de Liège. C'est une véritable caverne d'Ali Baba située en dessous de l'île Saint-Michel. Caverne d'Ali Baba qu'a visité pour nous Lorraine Makoubiak. À côté des traditionnelles clés, téléphones et cartes, se trouvent d'autres objets estivaux plus atypiques ou insolites qui surprennent. Isabelle Reisenfeld, gestionnaire de la gestion centre-ville au service des objets trouvés. Les objets de piscine. On nous ramène le sac avec le maillot qui est encore mouillé et l'essuie. Il paraît qu'on a déjà eu une poupée gonflable, une grande madone de plus d'un mètre. Katia Erkens, steward de la ville de Liège. À Drone, on a déjà retrouvé des sous-vêtements. Des objets trouvés dans les bus tech, ramenés par les commissariats de police ou les citoyens eux-mêmes, et enfin des objets cherchés par les stewards dans le carré ou lieu de festival. Pour les objets plus ordinaires, la procédure de recherche du propriétaire est simple. On ouvre les portefeuilles, d'abord on cherche une carte d'identité, les vignettes, parce que sur les vignettes il faut savoir qui a l'adresse. Sinon, les cartes SIS ou un numéro national pour que la ville puisse contacter les gens directement. Pour les autres objets où le propriétaire ne peut être identifié directement, il existe un site internet. On met des photos de tous les objets qu'on retrouve qui n'ont pas d'identification. Les objets de valeur ne sont pas mis en ligne avec photo. Ils sont au coffre et là il faut venir et pouvoir décliner l'identité qu'on puisse vérifier. Une dizaine d'objets sont rendus à leur propriétaire chaque jour. Pour ceux qui ne trouvent pas preneur au bout de 3 mois. Le CPS vient chaque mois rechercher les objets qui n'ont pas été repris. Et alors ensuite, ils sont mis en vente publique. Ce week-end, place à la 2e édition du Deux Ours Nandrin Festival. Deux Ours, du nom de cette petite salle de concert qui a ouvert ses portes il y a 2 ans de cela dans le Condreau. De vendredi à dimanche, une trentaine d'artistes se produiront sur l'une des 3 scènes de ce festival qui se déroulera en plein centre du village. Bénédicte Allier. Événement à taille humaine, convivial, familial, la 2e édition du Deux Ours Nandrin Festival proposera des tributes, dont un notamment consacré à Daniel Balavoine avec le cover band Lipstick. Le chanteur français Hugo, auteur du tube La Nacelle en 1996, sera en solo acoustique pour présenter des chansons de son nouveau répertoire. Et puis, Perry Rose sera lui aussi de la partie. Perry est super emballé. Frédéric Maquet, programmateur. Perry vient aussi à la guitare tout seul. C'est ça aussi que j'aime bien. C'est autre chose qu'un autre show pour moi. Les Bruxellois va à la plage, la Liégeoise Julia H, Monsieur 13, Liégeois lui aussi lauréat du Francof des dernières Francopholies de Spa. Objectif principal de ce festival, la découverte. Frédéric Maquet. C'est ma mission, c'est de donner une exposition à des artistes qui pour moi valent la peine d'être là. We Are Waves, les Italiens, pour ne parler que d'eux, pour moi c'est de tous mes concerts que j'ai organisés aux Deux Ours, il est dans mon top 3. Ils font de la New Wave, c'est à tomber. Ils ont changé leurs vacances pour venir, ils viennent de Turin. Les bluesmen belges Fred and the Healers clôtureront la journée du dimanche, juste avant eux le français Grand Georges. Il sera la tête d'affiche de cette édition 2016. Tout de suite, Benjamin Maréchal, avec bien sûr la suite du 8-9. Et à 9h, c'est vous qui le dites avec 3 débats sur la table. D'abord, nous commencerons par le dilemme à Genappe. Écolos demandent aux seniors de renoncer à leur colis cadeau alimentaire offert chaque année par la commune pour le donner aux réfugiés. Est-ce que vous conseillez aux seniors de donner leur colis cadeau? Ensuite, Marc Goblet qui fait un pas de côté pour se soigner. Est-ce que la FGTB perd un leader charismatique? Et vous direz votre regret de ne plus le voir sur la scène médiatique. Et puis si nos bébés et enfants consomment trop d'antibiotiques, comme le disent les mutualités libres, comment on fait pour soigner le rhume et les douleurs d'un enfant si on ne donne pas de médoc? Marion Jomotte, standard ouvert. Vous avez un avis sur un des 3 sujets de ce matin et nous voulons le connaître. Alors téléphonez au 070-233-466 ou par SMS au 3063, 50 cents par message. N'oubliez pas non plus la page Facebook de C'est vous qui le dites. Les 3 sujets s'y trouvent déjà. On descend sur la route, voir comment ça roule sur Liège. 11 minutes, c'est le total de fil pour toute l'agglomération, Benoît. Exactement, et c'est concentré essentiellement sur l'axe E40 ex-Bruxelles à hauteur du viaduc d'Herstal vers Bruxelles, bien entendu. Au centre-ville, eh bien oui, quelques très légers ralentissements, mais ils ne sont causés que par le cycle des feux rouges. Oui, ça commence à devenir rouge à l'approche de Bruxelles, par contre. Hein, 28 minutes avant Louvain pour aller vers Bruxelles, et c'est sans doute dû aux répercussions de cet accident qu'on vous rappelle depuis tout à l'heure au niveau de Berthem où d'autres bandes de circulation sont neutralisées. Il y a donc des fils qui se créent et c'est vérifié. 20 minutes de plus sur votre temps de parcours là-bas. Des fils également sur le 411, ça recommence. Eh ben oui, on arrive près de la rentrée au niveau d'Overhays, sinon tout roule. Un problème sur la route ? Prévenez le 04 344 76 44. 8h38, Berlu, l'invité du 8-9 dans un instant. Apprendre un métier, c'est le défi que vous proposent les écoles de promotion sociale FPS. Grâce à nos formations qualifiantes, vous pourrez travailler dans des domaines qui vous correspondent vraiment. Les écoles FPS vous proposent également une formation générale pour obtenir vos certificats primaires et secondaires. Inscription pour nos cours à Liège, Verviers, Warem et Anu dès le 25 août. Écolefps.be. Proximus présente le plus impatient des réseaux. Oh, c'est trop long les vacances cette année. Ouais, je trouve aussi. Vivement la rentrée pour regarder le profil de toutes les nouvelles nanas de notre classe, mater leurs photos de vacances, vérifier leur statut pour voir si elles sont célibes, en couple ou du genre compliqué, les inviter à me suivre sur Instagram pour qu'elles voient que je suis un mec cool, continuer à chatter avec toi en illimité même si on est assis côte à côte, et faire des battles de Pokémon Go pendant les cours de Monsieur Dupré. Ouais, il a trop une tête de Pikachu lui. Il n'y a qu'un seul réseau qui soit le meilleur pour surfer et partager hyper vite. Le plus impatient des réseaux. Vérifiez sur proximus.be/qualité. Il me faudrait bien un nouveau smartphone, tiens. Pour la rentrée, chez Proximus, profitez d'un Samsung Galaxy J5 à seulement 9€ avec un abonnement Smart plus Phone 20. Infos et conditions sur proximus.be. Proximus, infiniment proche. Et n'oubliez pas de vous inscrire au Kikadi si vous voulez jouer avec nous, dire bonjour, raconter vos vacances, vous envoyez au 3063 SMS « Je veux jouer », nom, prénom, coordonnées complètes. On joue ensemble tout à l'heure une citation et vous choisirez quelqu'un dans l'équipe qui peut vous aider, soit Sarah, qui hier n'a pas eu le flair, il faut bien le dire. Sport, alors que Thierry était là. Ah, mais c'est le choix, c'est le choix. Et Bruno pour l'actualité musicale, qui est dans l'actu cette semaine. Soul. Et puis Hélène Segarra, ils reviennent tous les deux avec un nouveau single. Mais j'essaie de dire qu'elle revient. Elle revient. La pauvre. Non, et on l'aime. C'est une des plus sympas, Hélène Segarra. Elle est très sympa. Ouais, elle est souvent venue dans le 8-9 et elle est sexy en plus, faut bien le dire. 8h39. Vous avez peut-être vu au cinéma le film Evita avec Madonna. L'histoire d'Evita Perón, qui est donc la femme de ce dictateur argentin, Juan Perón, personnage un peu trouble, elle aime le pouvoir, elle a fait beaucoup pour le peuple, elle aime le pouvoir, elle confond un peu pouvoir, intérêt personnel, parfois. Donc c'était un film. Eh bien, figurez-vous que tout ça est devenu comédie musicale en français. Avant de vous présenter notre invité dans quelques instants, souvenez-vous de lui dans ceci. Oui, ça devient une casserole, Kasia. Bonjour Philippe Davila. Bonjour. Et comment voulez-vous ? C'est Philippe Davila était dans Les Rois du Monde. Non, c'est ça, je n'y échapperai jamais, c'est avec plaisir. Vous voulez que je casse la bande et le Non, c'est un merveilleux souvenir, surtout pas. Surtout. Ah bon. Mais vous rigolez quand on le balance. Oui, bah c'est difficile de ne pas en rire, c'est parce que les années passent. Que... Non, il n'a pas rigolé, il s'est détourné. C'est là. Genre, c'est pas moi. J'assume plus. Si, je l'assume totalement, complètement et avec beaucoup de plaisir. Ok, donc c'était pas Plastic Bertrand, c'était pas Lou de Prague dans Les Rois du Monde. C'était bien Philippe Davila. Alors vous jouez donc Evita, comédie musicale version française, c'est au château du Carrevelt à Molenbeek jusqu'au 6 septembre et vous n'êtes pas Evita. Non. Vous êtes son mari qui, faut bien le dire, était quand même un dictateur argentin. On a du mal parfois à dire le mot parce que c'est un peu le père du peuple. C'est clair. Dictateur argentin. Complètement, c'est un homme politique qui a fait... qui a essayé de faire du bien pour son peuple, mais qui s'est un peu planté, et qui est vraiment, c'est l'époque de Mussolini, il a caché les Allemands, Il est niveau comparable à Mussolini d'ailleurs. Complètement. Dans l'histoire. Alors, qui a marqué le temps ? C'est sa femme, Evita Perón, qu'il va rencontrer, enfin épouser un an avant d'accéder au pouvoir. Vous aviez vu le film avec Madonna qui raconte la vie ? J'ai vu le film, bien sûr, mais c'est surtout que la comédie musicale est antérieure au film. C'est un film qui a inspiré de la comédie musicale, qui est l'adaptation. Et c'est un des très très grands classiques de la comédie musicale. Donc. On essaie de voir en français ce que ça donne. Voici un extrait du spectacle au château du Carrevelt à Molenbeek. Ne me pleure pas, Argentina. Jamais je ne t'ai oublié. Malgré mes erreurs, ma folle existence, je n'ai pas changé. Et d'abord, il y a un choc culturel, parce que le grand public a la version anglaise dans l'oreille du film. C'était compliqué à chanter en français ? Non, parce que on aborde ça exactement comme une création. On n'a pas spécialement la version anglaise en tête. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été compliqué. C'est en plein air. Donc, pour la semaine dernière, c'était un peu compliqué avec le temps. Là, vous allez vers une semaine de canicule complète. Comment le château sert de décor à cette scène de Via Argentine? En fait, la cour du château a été transformée en salle de théâtre et c'est un plateau qui a été construit et un podium pour à peu près 600 personnes. Ouais. Et la Casa Rosada, qui était le grand palais de Juan Perón, a été reconstitué, ainsi qu'une plaine qui représente une place publique de Buenos Aires. Dans le travail de prépa, vous avez été jusqu'à Buenos Aires? Vous avez On aurait bien aimé, mais non. La production n'avait pas assez de sous. C'est ça, on est resté à Molenbeek. Bon, on a regardé des vidéos. C'est pareil, c'est bien. Sous la pluie à Bruxelles. Je me souviens dans le film des titres emblématiques d'Evita, de Madonna, qui est joué par qui en version française? Qui est joué par Deborah de Ridder. Qui est une jeune néerlandophone. Qui est une jeune néerlandophone et qui est surtout une star de la comédie musicale en Flandre. Ouais, le titre emblématique de Juan Perón, votre rôle, vous chantez ou vous parlez plus dans le... En fait, l'ensemble de l'œuvre est une écriture assez opératique, donc toutes les scènes de théâtre sont parlées, chantées. Ouais. Et j'ai un grand solo, on pourrait appeler ça comme ça, qui s'appelle She's a Diamond, c'est un diamant, et qui est le moment où il prend la défense. De... Oui, c'est en français quand même. On a tous les titres anglais dans la tête, donc c'est toujours un peu. C'est le moment où il prend la défense de sa femme. Ça n'est jamais sorti, c'est pas un des grands titres emblématiques. C'est la première fois que la comédie musicale est adaptée en français. C'est une création, en fait. Toute première fois qu'elle est adaptée en français, tout à fait. Un extrait de Buenos Aires. Bon, alors on va faire le compte des comédies musicales, parce que forcément, depuis Roméo et Juliette, vous êtes associés volontairement ou malgré vous aux comédies musicales. Très êtes... volontairement. C'était jamais à la suite de votre plein gré. Jamais. Vous en êtes à votre quantième. Oh mon Dieu, j'ai pas compté. Ah bah alors on va prendre le temps. Alors donc ça commence à Roméo et Juliette, ensuite. Oui, il y a eu R. Ouais. Il y a eu Émilie Jolie. Ouais. Il y a eu beaucoup de petites créations en France. Enfin de petites créations, des créations à plus petit format. Ouais. Donc il y a eu Les Instants Volés, il y a eu Sleeping Bee. Là il y a Gutenberg à la rentrée, je dois d'une dizaine, quelque chose comme ça. Stop, je compte le décompte. Il y a une guerre qui s'annonce à Paris dans toutes les comédies musicales. Il n'y en a jamais eu autant. Il y a les Trois Mousquetaires qui vont être en guerre avec Oliver Twist, en compétition avec Notre-Dame de Paris qui revient. Il y a en ce moment une offre en comédie musicale à Paris. C'est trop, c'est pas trop. Mais surtout, pourquoi guerre et compétition? S'il vous plaît, arrêtons. Mais je vous demande un avis. On est tous très heureux. Voilà Benjamin bien. Maréchal. Non, mais allez lire la presse française. Dans tous les articles de l'été qui présentent la saison, on se dit que ça va être la guerre des spectateurs parce qu'il n'y a pas une manne de public. Mais oui, mais parce qu'il y a toujours, ça fait bien, ça fait vendre, c'est joli. Mais non. Si vous allez à Londres, il y en a 25 à l'affiche constamment, à Broadway tout autant. Et dans les fameuses 10 dont il parle, on ne compte pas les 10 ou 15. Si pas plus comédie musicale ou pour jeune public ou de plus petit format qui se joue dans des salles de 100 à 300 ou 400 places. Donc on doit être à 40 à la rentrée, je pense. Donc laquelle vous irez voir? Gutenberg, c'est la vôtre. Gutenberg, je suis dedans, donc forcément je pense que je la verrai. Entre les trois mousquetaires, Oliver Twist et Notre-Dame de Paris, à laquelle vous irez? Je vais essayer d'aller toutes les voir puisque j'ai des amis dans toutes les comédies musicales qui vont être à la fiche. Dans les mousquetaires, il y a Damien Sarr. Exactement. Qui était dans Les Rois du Monde et dans Roméo et Juliette. Ah, vous voulez qu'on remette Les Rois du Monde, André, qui réalise? J'aurais pas dû dire ça. Pour Philippe. S'il te plaît. Ça faisait 5 minutes qu'on l'avait plus en tête. N'empêche, des années plus tard, on chante toujours dessus. Hein. C'est un toujours. Carton plein, donc vous pouvez être fiers. Et on m'arrête encore dans la rue, donc c'est ça. Ça passe toujours en radio, Les Rois du Monde. Oui. C'était un énorme carton. Et dans les karaokés où vont des amis, pas moi-même, bien sûr. Vous parlez de nous. Bien sûr. Ça se chante encore pas mal, effectivement. Bon, vous vivez où maintenant? Vous êtes en... Je vis à Paris. À Paris? Ouais. Et vous donnez des cours ou pas? Parce que vous disiez il y a quelques semaines que vous aviez des propositions pour être prof. Chaque semaine, chaque mois, on vous demande d'être prof. Dans non, un c'est établissement. Non, c'est pas de l'ordre de chaque semaine. Si je l'ai dit, je vais être fatigué le jour où je l'ai dit. C'est quand même pas toutes les semaines. Mais là, oui, je donne cours dans plusieurs écoles à la rentrée. Ouais. Et en Belgique? Non, en France, à Paris. Donc on n'aura pas la chance. Cours de quoi? Cours de théâtre principalement. Cours de théâtre. Cours de théâtre dans le cadre de comédie musicale ou cours de théâtre pur. Alors en attendant, Philippe Davillet, donc à l'affiche d'Evita, sont les dernières représentations. C'est jusqu'au 6 septembre, plein air, au château du Carrevelt. Jusqu'au 7, il y en a une petite de plus. Ah, il y en a une qui vient de se rajouter. Ouais. Ok. plus on parle, plus ils s'en rajoutent, jusqu'au 8. Qui sait ? Arrête le 7. Et vous ferez une tournée avec ce truc ou pas ? Non, ça reste au Carvel. Ça reste un one. D'autant plus, c'est exceptionnel, il faut vraiment venir le voir. Ah, il l'a bien vendu. Ah bah. Vous avez bien fait de venir. Philippe Davila, à bientôt pour écouter Les Rois du Monde avant un autre projet. Avec beaucoup de plaisir. Mais je vous en prie. Merci. Dans un instant, Kikadi, à condition de vous être inscrit au 3063, bien évidemment. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance ? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. Le Beau Vélo de Ravel, c'est aussi une émission de télévision. Revivez l'étape de Métay comme si vous y aviez participé avec les animations solidaires de Cap 48, les initiations sportives de l'ADEPS, les milliers de beaux héros escortant Nicolas-Xavier Ladouze dans l'Entre-Sambre-et-Meuse avant le grand retour de Suarez, ce dimanche après-midi sur la U Télé. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. Vivacité et la ville de Charleroi présentent Charleroi 350 ans. C'est 2, 3 et 4 septembre, week-end d'anniversaire. Soirée d'ouverture Place de la Digue, cortège historique avec la présence de l'Homme Gang, Carolo Retro Cars, accès exceptionnel à de nombreux sites historiques et Kefies, grande fête populaire sur les quais de Sambre. Info charleroi.be/350 ans. Avec la une. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Bien sûr, il buzz. Il buzz même très bien. C'est vrai que c'est un choc. Il buzz comme un dieu même. C'est pas possible, c'est une rumeur. Mais il n'y a pas que ça. Humour, info, invité, musique, météo, infoservice, billets d'humeur. À défaut d'avancer plus vite, ça vole plutôt bas. Allez, avouez-le, le 5 à 7 de Vivacité, entre Cyril et vous, c'est bien plus qu'une simple histoire d'actu. Bonjour, c'est Michel Vincent de Liège Aller-Retour. C'est la rentrée radio. Et je vous retrouve avec plaisir et un maximum de bons plans chaque après-midi dès 15h sur Vivacité. Le 8-9. Ah, ça reste dans l'oreille ce truc des Rois du Monde. Nous, on vit la vie, Mais on retient jamais les paroles. Non, c'est vrai. Mais ça, on lui a pas dit. Nous sommes à Oui pour le Kikadi. Salut Nicolas. Bonjour Benjamin. Et vous avez déjà fait les Rois du Monde dans un karaoké quand même? Bah, pas dans un karaoké, mais dans des soirées un peu comme tout le monde. Ah, bah évidemment. Ou dans la voiture. Alors avec nous, Nicolas. Ah, oui. 3. 4. À quoi ça sert d'être sur la terre? Nicolas. Ah voilà. J'ai entendu que vous avez murmuré très discrètement. Alors que nous, on n'a pas peur. Hein. Voilà. Bon, Nicolas, on se tente un Kikadi et vous pourrez choisir quelqu'un autour de la table pour vous aider. Un mot imposé à Jean-Luc Fong dans la foulée. Voici le Kikadi de ce matin. Il m'appelait sa petite Meisque. Il était plus que charmant. Merveilleux. Il m'appelait sa petite Meisque. Il était plus que charmant, il était merveilleux. Qui a dit ça à propos de Toots Thielemans? C'est le grand Jojo qui a dit ça? C'est Sandra Kim qui a dit ça? Ou c'est Quincy Jones qui a dit ça? Nicolas, est-ce que vous voulez l'aide de soit de Bruno, soit de Sarah? Je prends Sarah. Sarah, ah ben ça tombe chaque fois sur vous. Alors, votre ami qui a dit ça, Sarah? Ben, comme il n'y a qu'une fille dans les propositions, que c'est Meisque, donc c'est Sandra Kim. Elle suggère. Vous n'êtes pas obligé de suivre, Nicolas, vous me dites. Bah, je me disais, même si c'est la même réflexion, je pense à Sandra Kim aussi. Eh ben effectivement, la Meisque, c'est Sandra Kim. Et dans le bouquin qui raconte la vie de Sandra Kim, celui qui a fait la préface, c'est Toots Thielemans, effectivement. Vous connaissiez un peu son parcours musical ou pas, Nicolas? J'ai pas bien entendu. Vous connaissiez son parcours musical à Toots ou c'est un peu lointain pour vous? C'est un peu lointain pour moi, je suis un peu trop jeune pour ça. Ah ben vous avez quel âge? 30. Ah bah c'est la génération Philippe Davila, Damien Sarr, ouais. Grégory Baquet. On devrait s'arrêter là, je pense. Non, ce sera comme ça sur Viva toutes les heures jusqu'à 19h. Et tant pis pour vous. Nicolas, le cadeau pour vous sont des invitations pour le musée Bellevue à Bruxelles qui raconte la tradition royale et qui raconte le talent des Belges. C'est juste à côté du Palais Royal. Invitation pour vous. Et le mot que vous imposez à Jean-Luc Fong pour le live de vendredi? Iron Man. Pourquoi? Bah parce que j'ai un ami qui fait un Ironman ce week-end, donc j'en penserai à lui. Et il le fait où son Ironman, votre ami? À Vichy. À Vichy, parce qu'il y a l'Ironman d'Hawaï, qui est le plus emblématique, celui de Vichy, ouais. En France. Nicolas, on vous embrasse et à bientôt. Au revoir, à bientôt. Salut Nicolas. Merci beaucoup. J'espère que dans l'actu musicale, dans un instant avec Bruno, il y aura les rois. Les rois du monde. Cinq secondes, ce n'est pas assez. Ce morceau en entier passe bientôt sur Vivacité. Vivacité et la 2 présente l'AG Insurance Memorial Van Damme le vendredi 9 septembre au Stade Roi-Baudouin. Le plus beau meeting d'athlétisme au monde fête ses 40 ans avec les meilleurs athlètes des Jeux Olympiques. Un feu d'artifice et un concert pétillant pour clôturer la soirée. Plus d'infos sur aginsurancememorialvandamme.be. La rentrée scolaire avec le soir. Français, maths, sciences, histoire, géo. Le soir propose 4 rendez-vous destinés aux jeunes lecteurs qui rentrent en secondaire et souhaitent remettre à jour leurs connaissances. Chaque jour, 2 pages d'exercice avec leurs correctifs pour bien réviser. En route vers le secondaire, du 22 au 25 août, avec le soir. L'auto présente le mois de Wout. Chaque mercredi, 500 000 euros ajoutés au jackpot. Et ce mercredi, un tirage très, très wow. Près de 1 750 000 euros à gagner. Jouez au loto. Koa Koa, Koa se la grenouille. L'été bientôt là, elle remontre sa bouille. Pédale Lucien au milieu des boas. Comme tu te sens bien, Koa Koa. Visqueuse grenouille. Lucien glisse et son vélo crie ouille. Tu t'es fait battre, Lucien, par un batracien. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Jusqu'à 9h, le 8-9. Il est 8h53, si vous arrivez maintenant, les bonnes nouvelles. On a retrouvé Jérôme de Warzé, il était dans les bras d'une femme en vacances, il nous a dit... Qu'est-ce qui s'est passé alors, il a oublié? Mais vous avez entendu ce qu'il a dit tout à l'heure. À la question, vous avez oublié, il a dit... Mais écoutez, non, mais il n'a pas répondu justement. Il y a des priorités, il était dans les bras d'une femme, Benjamin vient de vous le dire. Voilà. Et alors tout à l'heure, on lui a dit, vous étiez où en vacances? Il a dit... Et au final, il sera là demain. Donc... Espérons qu'il soit plus loquace. Demain? Oui, alors, qu'on comprenne un peu mieux, quoi. Voilà, bien cactus. Donc demain, sur la page Facebook du 8-9, le retour évidemment de la question d'intérêt général. La vie reprend son cours normal et c'est très bien comme ça. Bon, l'actu musicale, Bruno, commençons par le retour de Soul. Oui, qui revient aujourd'hui avec un nouveau single, Soul, qui envoie son nouveau titre donc, en radio. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le dernier album français de Soul avait été réalisé par Charlie Winston, ouais, parce qu'ils sont dans la même maison de disques. Il y avait eu un énorme tube dessus, c'est Dusty Man. C'est très chantant. Ouais. Vous le faites aussi bien que les rois du monde. Donc ça fait. Non, mais c'est aussi un truc plaisir. Que tu comprends pas les paroles. Tu le chantes. You are the Dusty Man. Ah, ben j'ai jamais compris. Tu es un peu sale, quoi. Oui, j'ai jamais compris. Bon, il y a eu beaucoup de passages radio avec Dusty Man pour Soul et Charlie Winston, même en France. Hein, le titre était rentré sur toutes les radios. C'est pas pour ça que les ventes ont vraiment suivi. Et donc après un énorme tube, généralement, on se pose un peu des questions. Soul, il a pris un peu de recul. Il avait proposé un album en anglais, en groupe. Qui est un album beaucoup plus rock. Il avait fait de la scène avec ça. On l'avait vu au Franco de Spa, pas dans cette édition, mais dans l'édition précédente. Mais donc ici, il revient enfin à ses premières amours. C'est un titre en français. Et il annonce ce retour depuis quelques jours sur ses réseaux sociaux. Il y a une drôle de photo d'ailleurs. Sur sa page, sur sa page Facebook. Et sur sa page Facebook, il a posté un clip et il fait écouter en fait son nouveau titre à plusieurs personnalités, notamment un sosie de Johnny Hallyday. Les réactions, ça donne ça. Ça fait oublier tout ça. Là, on voltige dans les airs, c'est gay. J'adore le tempo. Ça marche super bien. Difficile de rester assis avec ça. Alors forcément, là, on n'entend pas le titre, mais rassurez-vous, voici le titre. Le nouveau Soul s'intitule Comme, et ça ressemble à ça. Autour de moi, j'entendais et qu'il faudrait que je sois. Je leur réponds simplement Come to my world. Ça sent le carton quand même. Ouais, c'est pas mal parce que c'est moderne en fait. C'est moderne, c'est très calibré pour les radios. Il y a un bon gimmick dans le titre, donc on va le retenir. C'est un peu funky. Au début, il y a une intro avec des guitares. Et puis côté texte, Soul, il proteste un peu contre la dictature des sociétés qui veulent toutes nous faire rentrer dans le même moule, être comme. Et lui, il propose plutôt Come into my world, viens dans mon monde. Voilà, nouveau titre de Soul qui sera dans le tip-top ce soir en compagnie de Philippe Jeuniaux. Et puis l'album de Soul, il est prévu en novembre. décembre. Il est réalisé par Marc Plati, qui a quand même bossé avec David Bowie. C'est pas mal. Pas mal. Et allez voir le sosie de Johnny Hallyday. C'est sur sa page Facebook. On peut voir la tête. Je pensais aussi. Oui, c'est sur son Facebook. Il y a Johnny Doss au clip. Mais je ne sais pas si c'est Johnny Cadillac. Vous savez qui est l'un des sosies officiels de Johnny. Pour le même prix, Sarah ressemble à Dalida et moi à Mike Brandt. Sarah, c'est plutôt Hélène Segarra, non? Ah, Hélène Segarra. Donc elle est souvent venue ici, toute sympa, avec des albums qui ont plus ou moins marché. Puis il y a eu ses problèmes de santé. Et sans ironie, parce qu'on dirait qu'on se moque, sans ironie, donner des nouvelles. Non, mais Hélène Segarra va bien. Elle revient avec un nouvel album. Hélène Segarra, elle a eu un énorme succès. C'était à la fin des années 90, début 2000. Des titres solo qui ont coïncidé en fait avec sa participation dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Ah ouais. Vous connaissez ça? C'était belle. Ça, c'est son titre. Ouais, c'est son titre emblématique. Puis il y avait eu Elle, tu l'aimes. Tu l'aimes si fort. Et au début, vous chantez pas. Et au début, vous avez tort, je sublime la chanson d'Hélène Segarra. Au début, Hélène Segarra, elle est coachée par le frère de Dalida, donc elle a un répertoire Orlando. Très variété. Elle a voulu s'éloigner de ça un peu, proposer des albums rock, et donc le public est parti. Et puis, vous l'avez dit, les dernières années, il y a eu des problèmes de santé, il y a eu des albums qui n'ont pas forcément marché, malgré des signatures de prestige. Il y avait Goldman, il y avait Zazie sur son dernier album. Ici, elle revient, son nouveau titre s'intitule L'Envol. C'est un titre reprise, parce que l'album qui arrive, ce sera en fait des reprises en italien. Voici à quoi ça ressemble. Ça ressemble... Alors c'est une adaptation d'un titre italien. Ah voilà. Ouais. À qui est le chanteur qu'il trouve, Sarah Benjamin? Zucchero. Zucchero. Ça s'appelait comment? Ça je me souviens pas. Il Volo. Il Volo. On a dû chercher hier parce que je croyais que le titre s'appelle Sonyu. On le trouvait pas et finalement ça s'appelle Il Volo. Bah, c'est plutôt une bonne idée parce qu'Hélène Segarra elle a. Elle vaut mieux que ça, qu'une reprise que. C'est cohérent parce qu'elle a des origines italiennes, mais c'est clair que voilà c'est de la reprise parce qu'il faut absolument vendre. Remets l'envol, André. Remets l'envol. Vol d'Hélène Segarra. Remets ça. Elle se joue pas mal. C'est pas facile à chanter. Non, je dis pas qu'elle chante pas bien, je dis c'est dommage. Mais le problème, c'est que c'est très passé. Toute cette génération de chanteuses à voix est très passée. Faudra voir si les radios accrochent. L'album est prévu pour la fin septembre. Ah bah regardez, André qui réalise, il remet tout de suite Zucchero. Il n'a même pas laissé Hélène Segarra. Elle se débrouille bien. Et à cause de ça, on est obligé d'arrêter le 8-9 maintenant. Désolé. Merci et bravo à tous les athlètes et médaillés du Team Belgium. Vous nous avez fait rêver sur la 2, Vivacité et RTB Fovio. Vabona, votre arme contre les insectes. Eh ben avec tout ça, Denis, est-ce qu'on serait pas en mode canicule tout doucement? Moi, je pense que le soleil a déjà tapé un petit peu trop pour certains, mais ça ne fait que commencer. Je vois pas. Alors aujourd'hui, on a du soleil, de la chaleur et déjà 24 à 29 degrés attendus. Demain, on se situera plutôt entre 28 et 32. Et le pic de chaleur, c'est pour jeudi avec des températures encore légèrement supérieures. Vendredi et samedi, on va perdre quelques degrés. Ça ne fera pas de tort, 26 à 30 en moyenne. Et puis, pour le week-end, il faudra surveiller l'approche d'orages à partir de l'ouest. Vous écoutez Viva, il est 9h. Et on s'informe, Sébastien Pierret, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Il y a trop d'antibiotiques dans les biberons de bébés. Les mutualités libres tirent la sonnette d'alarme. Elles ont analysé les prescriptions médicales délivrées à 300 000 enfants en 2014. Et voici le résultat. Ce qu'on a constaté effectivement, c'est que 3 bébés sur 4 reçoivent au minimum un médicament par an. Et en plus, si on regarde plus spécifiquement les antibiotiques, c'est un bébé sur 2 qui reçoit au moins un antibiotique dans l'année. Et en moyenne, c'est 3 boîtes d'antibiotiques. Donc ça nous semble...